96.2. La FM en couleur. C'est la danse du compas. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. Chantal avec vous jusqu'à 20h. Groupe Tropical, c'est le meilleur du zouk et du compas, vous l'avez compris. Du compas, on va en avoir beaucoup ce soir. Du compas nouvelle génération, du compas d'antan, du compas souvenir. En tout cas, sur le 96.2, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi soir. Et puis, on va commencer tout de suite avec une nouveauté. Eh bien oui, c'est un duo. T-Vice avec Mademoiselle Fabiola, tout de suite sur le 96.2. Et c'est solo. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Partons-moi, c'est un juste, c'est un prix, mon bye-bye. C'est un tas de mon bye-bye. Tandis que moi, t'as pas ni pied pour un bye-bye. Tidoudou, t'as pas ni pied pour un bye-bye. C'est moi pour qui vous l'avez pris. Y'a l'amour qui prend tellement de temps pour bâtir. comme de comprendre l'amour qui rend moins traumatisé. Tu vas bien tout donner, tu vas bien tout céder. Non, t'as pas où, t'as qui j'en t'as pas cher. La vie me fait penser ou puis blesser. Pendant que j'ai longtemps à te négliger. Mais ça, c'est celle où tu qu'es vrai. Kimele dadam, kimele dadam, pa vintim. mundo con el mundo. Keep it da da, keep it da da. Keep it da da. Sur 96.2 Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, c'était Jim Rava avec Baby, Baby, allô, allô, allô, bien justement, un petit coup de fil. Si vous avez envie de m'appeler, n'hésitez pas, je vous rappelle les coordonnées de la radio, 02 38 43 48 00. Ben, je vous attends. Allez, un petit coup de tampon pour tous les fanatiques. Et c'est un live, s'il vous plaît, avec le groupe équipe. Ah, si quand tu veux. Hein. Pas parler. Ok. On en aura quelques-uns du live tout à l'heure. Ouais, ouais, j'en ai sélectionné quelque part dans le fin fond de mon frigo. Vous allez voir, vous allez. Péter les oreilles. Allez, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Comment ça?

obligé pour chanter vingalé. Si que moule explosé, tellement m'a calculé, sentir pas exister. Oh, chaque fois que je songe, j'ai l'eau découlée dans les cieux. Chérie, moi l'aime. Chérie, pas qu'à quitter ma lettre. Amour, tout moi d'amour. Chaque fois que l'eau misé, on me réveille. Leslie, je dis à vous, moi, de mes pour papa. aïe, quel beau duo. Fanny avec Christelle. Et c'est extrait du tout dernier album de la Nouvelle-Zèle. Et c'était serré. Moi j'y étais hein, complètement, hein, 100%. Alors, Conseil 96.2, votre émission Grand Tropical, ça se passe comme ça. h20, c'est Chantal qui vous accompagne. Ils ont dit qu'on allait tomber, mais on s'est relevé. Ils ont pris pour nous guider, mais ils sont dépassés. Ils pensaient qu'on allait prier, qu'on allait s'agenouiller, le corps rempli de grâce. On a lâché les chaînes et aujourd'hui c'est le jour de gloire. On a levé les poings, on a levé les bras. Chaque chemin, on a cassé les murs, on a pris la roue, ils nous ont couru après. On a esquivé les coups, on va dedans, on a gardé la cadence. On n'a jamais fait le tour, on a levé les poings, on a levé les bras. Yeah. sac nan an position, di pavle pran e pi ave. Ça va jamais d'accord, yo t'a préféré le mort, délita belle si qu'est dans nous, va choisir défendre pays nous, prends richesse nous à force nous, pour nous sauver l'honneur. Se m'pone parmi nous, et ça que ma jambe d'accord, yo t'a préféré le mort, mais il va belle et non nous, va choisir mes grands mondes sur nous, va richesse nous à force nous. Tout est kakembe pirouli ya. Comme chaque jeudi, 18h-20h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Yeah. se nou Mwen galanti Non, non, non Non kon ki sa pou nou goume Mem la matre nou kapele Nou kapele Nou kapele Depi lèm nou bitim ta grandi Te toujou en chase enerji Nou pou ta pa feni Les sopas joignent qui pouvait moi qui est mêlé. Yo toujours tout bête, y'a pas son filé. La copa, j'ai wo. Si vous avez un truc, pas pour les pieds. Fais ou fait, c'est ça. Si vous avez un choisi, pas pour les matériels. Fais ou fait, c'est ça. T'as ça, groupe. Tu veux. Ouais, t'as des valons. Assure collège. C'est vous changer, mais si filet comme un palais, sans riba ou dans, laisse à moi pas j'en pas ou cœur. Pas je coûte, c'est vous, mais si filet comme des sons de vent, laisse à passer mal, c'est vous qu'à crier. C'est qui qu'a fait trop de vent, laisse ça passer mal, oh, c'est où qu'a crié, c'est où qu'a rêlé, c'est où qu'a crié, c'est où qu'a rêlé, c'est où qu'a crié. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On s'y ça va arriver. Un monde assez bizarre, comme un pays qu'on ne connaît pas. Où je sais où le peu partout, où l'argent, le pouvoir et la bien. C'est la voix des Haïtiens qui fouillent dans cette chanson. À tous les frères du monde, on lui dit pas tout, il me dit des fois. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Je donne la aussi. Nous pensons au Mandela, particulièrement Mandela, qui souffre depuis tous ces temps-là, où sont passées les Nations Unies, qui se disent toujours libératrices. Pourquoi ne sont-elles jamais intervenues pour arrêter la terreur des blancs? Oh là là, on a pu dire. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Oh là là, Mandela. Allez, chérie, salut. Oulo Caprio, allô Olivier, allô, allô Lévé, avec le Clémentine, bonsoir. Au Capri, ça va aller, mes amis contrariés, mais piquer un yon accident. Dégué à mon portant, dégué à mon portant. Yon chasse si yon quitte pas l'air. Ixtopou! Après sécurité, après matibinal, dans des sages, j'attends des points. Oh, quand alors vous comprenez? Oh yes! Parfois! Yavalou qui Martin, bonsoir. Au capoin, ça valait, mais ça m'a contrarié, mais piqué dans un accident. T'es gagné à vous, portant, à vous, portant. Arc-en-ciel Orléans 96.2, un hommage à Dieudonné Larose qui nous a quitté le 9 janvier dernier par le groupe Gabel. Un medley qui dure une dizaine de minutes. Sur le 96.2, je vous propose tout de suite une petite nouveauté. On va continuer comme ça dans la douceur et après dans la gourmandise. Alors surtout, restez bien calés sur le 96.2. On va passer un très très bon moment ensemble. Regarde-moi 18h, 20h, c'est votre émission Groupe Tropical. Pour toute folie, moi fais pour moi connais ou pas pour moi. Mais baby, pour ma gomme, pour ce seul moi, ouais. L'amour dans sa chimère, mais dans les wap-tonnets, la gomme cachée rêve, moi. Mal faut changer, non, moi. Aux amis, love, amis, love, la gomme, love, amis, love, bébé. Amis, love, on est les dangers. Pour démarrer, ma gomme est encore dégaine le danger. Tellement haut, t'es pour plaisir. Pile de temps en prochain pour une grande fête de l'amour. Vive l'amour à en tout cas, c'est un beau duo sur le 96.2. Je vous parlais de gourmandise tout à l'heure. Rappelez-vous, le groupe Zin dans les années 90, je crois. Plein de succès, plein d'albums avec notamment au chant Alain Cavé. Moi, je vous propose justement ce titre, un petit retour en arrière avec le titre Chocolat. Et tout de suite après, on retrouvera Alain Cavé, justement, mais avec une nouveauté. L'album lui est sorti il y a tout juste une semaine. Bacan côté le sorti, c'est vraiment la passe le vent, et le sang crazy. Flamme l'amour lui en dedans. Thank you. Thank you.

Sur Arc-en-Ciel de votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Chérie, ou passer l'amour en bas pied, mon chéri. 96.2. La FM en couleur. Premier jour, mon compteur, qu'elle m'a manqué d'été. Ça me tape chercher en l'air. Mais moi, je n'y ai pas. Ça te fait plaisir. T'es gagnant comme ami. Y'a un monde pour consoler. L'aime t'es gagnant l'orange. Ou pas t'y quitter. Ou bel moment, nous t'es passé. Ou y'en obligé séparer. C'est ça lié. Ou pas t'y quitter. C'est avec vous qui est moins veillé. Sans où la vie m'est pas complète. Dépasser des années, nous pas jamais bouquet. Pas mieux raison qui fait, relation pas marché. Doudou chéri, t'es fait tout ça ou envie. Pour qui ou quitte moi, m'a demandé au retourner. Pour parti quitter moi, pour bel moment, nous t'es passé. Pour n'y en obligé séparer, c'est ça lié. C'est avec vous que moi vleye. Sans la vie, moi pas compté. Tourner sous terre. Séquence souvenir, zouk avec Layana. Je crois que l'album il a un petit peu plus d'une dizaine d'années. En tout cas, c'était un bien fou de retrouver Jotun 3 tout simplement. Oula. Je me suis fait un peu avoir. J'aime trop cette musique. Ouais. Autre souvenir tout de suite, j'écoute musique. Ça c'est en tête chargée, roule sur le marché, son deuxième tête chargée, parce qu'elle a le fin de broquer, tout ça c'est un danger. C'est pas mon petit besoin en charge qui vous protéger. Oh, mais cap mène, est-ce qu'on pensait ou faire pire pour chaque matin? Pour remercier mon Dieu, je dis à ça fait ou à marcher. Ça parle de sécurité. Sous ta porte, puis on est dans 40 ans. Tête chargée. L'ordre. Marché. Son deuxième tête chargée. Parce qu'il a le fin de broquer. Tout ça, c'est un danger. Pas besoin, on change. Get up, stand up, get up, stand up, get up. Come on, Selecta. Ababa Chana. Original, still. Et si on chape tombé à zéro, considérez bon Dieu, piwo, pibaou, ça qui est important. Et ou bien des pieds pour marcher, ou bien des mains pour servir, bien doit qu'on l'a, qui vit mal passé. Santé à liberté, ça c'est piquant. Bénédiction, oh, nous des problèmes, oh, nous fait comme si nous pas comprenons. Avec qui je jodis à tout le passé. Fanatique, j'accoule, hé, hé. Je mets droit dans l'air, comme ça, je mets gauche à l'air. Comme ça, je mets droit dans l'air, comme ça, je mets gauche à l'air. Qui t'aime et on a balancé pour louer Christa. Louer Christa, louer Christa, louer Christa, louer Christa, louer Christa, louer Christa, louer Christa. Merci Jésus, ou compas, ou banou, fanatique yo et terminé. Sauver, t'as des gens qui sont sauvés. Sans t'as des gens qui sont sauvés. bouleversé. Get up, stand up, get up, stand up, get up. Yeah. Presque 20h sur l'IFM tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil à 18h-20h. Sur la bonne fréquence, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. La FM. FM em couleur. Também e agitação marítima forte. As temperaturas máximas chegam aos 5 graus na Guarda, 6 em Bragança, 8 em Viseu e Porto Alegre, 9 em Vila Real, 11 em Viana do Castelo, Coimbra e Castelo Branco, 12 em Braga, também no Porto, Aveiro, Leiria, Évora e Beja, 13 em Santarém e Lisboa, 14 em Setúbal e 15 em Faro. Antena 1. Sete horas no continente e na Madeira, 6 nos Açores. Principais títulos a esta hora, Nuno. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia não esconde o desconforto com a acusação do Ministério Público no caso de violência policial na Esquadra do Rato, em Lisboa. Foi essa a mensagem que Paulo Santos, o dirigente da ASP, deixou há pouco no programa da tarde. Não desiste, mas dá a liberdade de voto e até entende quem escolha votar numa candidatura que impeça uma segunda volta entre um candidato antidemocrático e outro demasiado próximo do governo. Foi com esta mensagem que Jorge Pinto abriu esta tarde caminho ao voto em António José Seguro nas presidenciais de domingo. A poucas horas do fim da campanha, Cavaco Silva associou-se em vídeo à candidatura de Luís Marques Mendes. O antigo chefe de Estado assegura a independência deste candidato em relação às várias forças partidárias. Porto, Coimbra e Lisboa, esta hora com 11 graus, Faro e Ponta Delgada 15, Funchal 17. Edição das 7 na Antena 1 com Nuno Rodrigues. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia assume o desconforto com o caso de violência policial na Esquadra do Rato, em Lisboa. Os dois agentes da Polícia de Segurança Pública que exerciam funções nesta esquadra e que estão em prisão preventiva foram acusados de tortura, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física. Eles agrediam pessoas que tinham detido com socos e chapadas. Um dos casos relatados na acusação é o de um cidadão marroquino que alegadamente terá sido sodomizado com um bastão. Num outro caso, um homem estrangeiro, também detido no cais do Sodré, teve uma arma apontada à cabeça, episódios que foram filmados e partilhados com outros polícias. Paulo Santos, dirigente da ASP, entrevistado há pouco no programa da tarde, deixa uma nota de desconforto, garantindo, por outro lado, que este não é de todo o comportamento padrão na Polícia de Segurança Pública. Tenho algum desconforto a abordar estas matérias. Aliás, no dia de hoje fui contactado por muitos jornalistas e numa primeira fase tentei não comentar, mas a dimensão e a importância destes factos deixam-nos numa posição delicada. Ainda assim, com toda a transparência e com toda a seriedade, dizer que o serviço policial em si é um serviço complexo. Sabemos bem que aquilo que eventualmente, e digo eventualmente porque apenas há uma acusação de Ministério Público e terá que ter tratamento judicial, não representa nada aquilo que é a realidade da Polícia de Segurança Pública, a instituição, e nem tampouco os profissionais. Desconforto da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. O Ministério Público não descarta a constituição de mais arguídos no âmbito deste processo de alegada violência policial na Esquadra do Rato, em Lisboa. Não desiste e até percebe que os eleitores votem numa candidatura que impeça uma segunda volta entre um candidato antidemocrático e outro demasiado próximo do governo. Na corrida às presidenciais, Jorge Pinto deixou esta tarde, Sandy Gageiro, uma espécie de mensagem de apelo ao voto livre. Ao som de I Will Survive e na primeira arruada com música desta campanha, Jorge Pinto reforça e abre a porta. Quer que as pessoas votem livremente. O que eu quero dizer às pessoas é que elas votem livremente, de acordo com as suas consciências. Se isso levar a que votem em mim, fico muito feliz. Se levar a que votem noutras candidaturas, com medo e esperando que elas passem à segunda volta, cá estarei também para reconhecer e estar confortável com isso também, porque é a decisão dessas pessoas consciente e informada, e cá estarei também para compreender e aceitar. E que mais do que um bom resultado na sua candidatura respeita um bom resultado para o país. Mas se não votarem com este receio, respeitarei. É isso também que me tem movido desde o início. Mais do que um bom resultado, é sobretudo um bom resultado para o país, porque é isso que também está em causa. A descer a rua de Sobrefeita foi conversando com quem passava. Vamos lá. Não tenhas medo destes cães. Não tenho medo de ninguém, António. Tá, obrigado. Força. Continuação. Tá, boa força. Obrigado. Para obrigado. Mr. President! Good luck. O candidato diz que o trabalho construído durante a campanha vai continuar no dia 19. Jorge Pinto, na reta final da campanha, a juntar música numa rua do Porto. e a garantir que respeitará quem vote numa candidatura que ache mais útil. António José Seguro escutou estas declarações, diz que toma boa nota e defende que votar numa das candidaturas com poucas hipóteses de passar à segunda volta é um desperdício. O único candidato moderado, o único candidato do centro-esquerdo, o único candidato que é fiel e leal à Constituição da República portuguesa e que pode passar à segunda volta, sou eu. E, portanto, peço a todos os eleitores, a cada português e cada português, aos democratas, aos progressistas e aos humanistas, que concentrem o voto na minha candidatura. Mas acha que vem tarde? Este apoio, Jorge Pinto, fica agradecido a Jorge Pinto. Vamos lá ver. Todos os votos que chegarem até às 19 horas do próximo domingo vêm a tempo. Aqueles que vêm depois é que já não vêm a tempo. E eu espero que ninguém se engane. Que seja necessário concentrar e que é necessário concentrar os votos na minha candidatura. E por isso, o desperdício de votos noutras candidaturas que não podem passar à segunda volta é de facto um desperdício muito grande. António José Seguro, esta tarde em Famalicão, onde voltou a pedir o voto de todos os democratas, numa tarde em que Aníbal Cavaco Silva se juntou à campanha de Luís Marques Mendes. Foi num vídeo transmitido esta tarde num comício para dizer, Aníbal Cavaco Silva, que Marques Mendes é a escolha certa na corrida a Belém. Conheço o doutor Marques Mendes há muitos anos. Os portugueses podem estar certos de que Marques Mendes falará a verdade e que será independente em relação às diferentes forças partidárias. E podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao governo, tal como defendia Francisco Sá Carneiro. Marques Mendes será por o interesse nacional sempre, sempre em primeiro lugar. Cavaco Silva defende que nas eleições do próximo domingo vão pôr